LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. J'ai préparé mes papiers pour la France et j'ai traversé les cieux tout en abandonnant mes enfants. J'implore ton pardon, ô prophète. C'est le besoin qui m'a poussé à aller chez les chrétiens. Ô speaker, donne-moi les nouvelles de mon ami à l'étranger. Essaye de le convaincre pour revenir. Ils sont partis du sud pour rejoindre le nord d'un autre pays, la France. L'itinéraire de 78 000 Marocains entre 1956 et 1977, une véritable armée levée par un homme, Félix Mora, chargé d'une mission de recrutement par les Houillères du Nord-Pas-de-Calais. Archivina, juillet 1989. J'ai au moins regardé dans le blanc des yeux un million d'ouvriers marocains, un million de candidats, pardon, hein, puisqu'il m'est arrivé sur la fin d'embaucher le père et d'embaucher le fils. Sous-préfecture de Skoura, province de Ouarzazate. Après que l'information ait été donnée dans les souks, dans les différents souks, les volontaires venaient et étaient donc ici arrêtés par un premier filtre. Ce filtre était composé de moi-même, où j'éliminais tous les gens qui étaient manifestement trop âgés, trop jeunes ou atteints de malformations. Ceux qui étaient admis venaient se ranger, et ce, j'ose le dire, par milliers, en attendant que nous procédions plus loin à une première présélection. Au fond de la mine, Johanna Bedeau, Marie-Laure Ciboulet. Le garçon qui se présentait, ben c'était du muscle, hein, puisqu'il n'y avait pas d'identité, il n'y avait pas d'entretien, ce n'était pas le but recherché, c'était du muscle. La voix que l'on entend est la voix de Félix Mora, un ancien officier français qui a recruté pendant près de 20 ans, de 1960 à 1980, près de 78 000 mineurs marocains pour le compte des Houillères. Appelés dans le nord Pas-de-Calais, ces jeunes ruraux venus de Ouarzazate, Taroudan ou du désert de Sousse sont venus pour fermer les mines sans le savoir. Mais l'histoire du recrutement d'étrangers dans les mines françaises commence bien avant l'histoire des Marocains. L'immigration, une mine pour le charbon. Depuis presque le début de l'exploitation charbonnière, les compagnies minières souffrent d'un déficit constant de main-d'œuvre, c'est-à-dire que les houillères attirent, mais aussi la dureté du travail minier finit par se savoir quand même très vite. Et donc, il est extrêmement difficile de retenir une main-d'œuvre ou même d'attirer une main-d'œuvre autochtone qui, sur les 150 ans d'exploitation, trouve par ailleurs à s'employer dans les usines. Marion Fontaine, historienne. Donc, c'est ce qui explique qu'on soit obligé très vite de faire appel à une main-d'œuvre qui aura le moins d'exigences possibles, c'est-à-dire à la main-d'œuvre migrante. Alors, en sachant qu'en même temps, il y a deux types de migrations un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'au début de la période, disons, jusqu'à la fin du 19e siècle, voire même un peu plus tard, les compagnies minières peuvent avoir, dans un certain nombre de cas, l'envie d'attirer une main-d'œuvre qualifiée, déjà employée dans les mines, et qui soit susceptible de transmettre son expertise dans les mines françaises. Bon, ça reste des cas assez minoritaires, de manière beaucoup plus large. On cherche des migrants sous-qualifiés, en général issus de zones rurales, et qui accepteront de faire un travail que, enfin, c'est la formule classique, que les autochtones n'acceptent déjà plus de faire. Les Polonais étaient exploités dans le travail. Les tâches les plus lourdes, les plus sales, étaient réservées aux Polonais. Archivina, juin 1995. Au départ, je pensais que j'irais travailler, évidemment. Je ferais 2 ans, je ferais 3 ans. Je ferais une petite économie et je reviendrais, je retournerais dans mon pays. C'est comme ça que j'ai pensé. Mais seulement, à force de prolonger les séjours en étranger, on commence quand même à se couper des lieux de familial, des lieux de son pays natal. Puis il y avait quand même la différence des conditions de vie. Et ça, c'est vrai aussi, parce que ici on gagnait pas mal. Alors on remettait au lendemain. Après, quand je suis venu en 1923, au bout de 4-5 ans, on se posait la question, est-ce qu'on pourrait encore retourner dans son pays natal ? Là, on a affaire à une migration qui, pour le coup, intervient juste après la Première Guerre mondiale. Elle fait l'objet d'un accord direct entre les compagnies minières, enfin le Comité central des ouvriers de France, et le gouvernement polonais. Donc c'est une main-d'œuvre organisée à l'échelle, j'ai envie de dire, sinon étatique, à l'échelle des pouvoirs publics, et qui vise en effet à faire venir, pour suppléer, à la fois pour reconstruire les mines qui ont été très largement détruites dans le Nord, notamment par la guerre, mais aussi pour suppléer déjà au déficit et à la fuite de main d'œuvre, là pour le coup, des dizaines de milliers de Polonais, alors qui pour certains trouveront à s'employer dans les campagnes, il n'y a pas que dans les mines qu'on a des Polonais, mais c'est vrai que dans les mines, alors notamment dans le Nord et dans le Pas Calais, en Lorraine, mais on en trouve aussi dans les Cévennes, ailleurs, on va voir arriver des dizaines de milliers de migrants polonais. La raison pour laquelle les Polonais frappent beaucoup l'imagination, alors que ça n'est pas du tout les seuls migrants dans les mines dans l'entre-deux-guerres, il y a des Italiens, il y a des Tchèques, il y a des Yougoslaves, il y a quelques Algériens, pas très nombreux, mais il y en a quand même, il y a des Espagnols, il y a déjà beaucoup de nationalités dans les mines dans l'entre-deux-guerres. Les Polonais frappent. Alors évidemment, l'immigration frappe par son caractère extrêmement massif et par le fait qu'en effet, dans un certain nombre de rues de villages miniers, ce sont des rues qui deviennent quasiment exclusivement polonaises. Par ailleurs, ce qui frappe aussi, c'est que pour la première génération de ces migrants polonais, l'immigration est vécue comme une expérience temporaire et avec l'idée de préserver au maximum l'identité polonaise. La Pologne vient tout juste de renaître comme État-nation. Donc, ce sont des communautés migrantes, là pour le coup, tiennent absolument à conserver leur langue, leurs habitudes, donc qui viennent avec leurs épiceries, leur commerce, etc., qui demandent à ce qu'il y ait des cours de polonais dans les écoles privées des ouvrières. C'est une migration qui, autour du catholicisme et de la langue essentiellement, affirme énormément son identité et l'affirme également par toute une création associative spécifique. C'est-à-dire que dès les années 20, vous avez des associations musicales polonaises, des sociétés de gymnastique polonaises, les Sokol, vous avez des fanfares polonaises, vous avez des clubs de foot polonais, ce qui crée là aussi énormément, au moins au départ, de friction. Alors, et entre mineurs français et mineurs polonais, c'est-à-dire que outre la question de la langue, et je rappelle que certains mineurs polonais parlent allemand, ce qui, évidemment, dans l'entre-deux-guerres, n'est pas une chose facile. Les mineurs français sont extrêmement dérangés par le catholicisme qui leur paraît très ostentatoire des migrants polonais, par le fait qu'ils tranchent par rapport aux mineurs autochtones. Et même les pouvoirs publics, alors certes, ils savent qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre, mais en même temps, enfin, il y a des rapports de sous-préfets ou de préfets au début des années 30 qui disent que les Polonais, c'est la communauté qui, par excellence, ne s'intégrera jamais. Enfin, c'est une migration qui, aujourd'hui, est très idéalisée, qui apparaît... Et qu'on oppose à la dernière vague d'immigration. Enfin, un certain nombre de... dans le Nord ou en Lorraine, un certain nombre de représentants d'extrême droite ont tendance aujourd'hui à idéaliser la migration polonaise à proportion de la dépréciation des dernières vagues de migrants, en oubliant très facilement que les 20 premières années de cette migration polonaise, c'est pas du tout une coexistence, harmonieuse. C'est au mieux une vie côte à côte, au pire, des frictions, des insultes, etc. Il faudra attendre, en fait, le Front populaire et surtout la fin des années 1940. Le fait que la Pologne devienne communiste, donc, coupe l'espoir pour une partie des Polonais de pouvoir rentrer au pays. Par ailleurs, la génération d'enfants polonais qui est née en France ou qui est arrivée en France très jeune est beaucoup plus dans une optique de rester en France pour que ces tensions s'atténuent. Mais pour la première génération, les tensions ont pu être extrêmement vives. En France, on disait, bah oui, regardez les Polonais, ils arrivent à faire 6 wagons de charbon et vous, 5 seulement. Hein? Alors donc, les Français disent, bah oui, pourquoi qu'ils sacquent comme ça? Vous connaissez le mot expression? Pourquoi ils sacquent comme ça? Archivina, juin 1995. Bah oui, et puis les Français étaient contre les Polonais. Et les Polonais, pour éventuellement leur... S'il faisait un wagon de plus, ils gagnaient plus. Mais pour que la différence ne se fasse pas sentir, on leur diminuait le prix par wagon payé, ou bien on leur donnait des amendes. Hein, mais par la force des choses, c'est le patronat qui gagnait. On dressait l'un contre l'autre. Ça, c'est une vieille règle. En 1947-48, les houlières sont confrontées à un problème de recrutement. Donc, ils essaient de diversifier leur bassin de recrutement. Antoine Perdoncin, sociologue et historien. Donc à cette fin, ils vont en Italie, en passant par l'Office national d'immigration. Ils recrutent pas mal de travailleurs italiens entre 48 et le début des années 50. Ensuite, l'immigration italienne pour les mines est stoppée après la catastrophe de Marcinelle. Ils vont aussi diversifier en France. Hein. Ils font appel à des travailleurs dans d'autres régions pour essayer de les implanter dans le Nord-Pas-de-Calais, mais ça fonctionne pas très bien. Il y a aussi un peu de main-d'œuvre algérienne qui arrive, mais pour le coup, les houlières sont assez précautionneuses avec la main-d'œuvre algérienne, on va dire, qui pose des problèmes politiques, d'après eux. Voilà, en gros, ils veulent pas d'agitation politique des indépendantistes algériens dans le bassin minier. Et donc, c'est en raison de ce besoin de main-d'œuvre qu'ils commencent à aller chercher des Marocains. Donc à ce moment-là, il s'agit pas de fermer les mines, même s'il y a déjà des premières fermetures depuis, mais la politique de fermeture n'est pas encore là. Donc ça, c'est la situation à la fin des années 40. Alors ensuite, le programme de recrutement est un peu erratique au début des années 50 et véritablement va décoller à partir de 54-55 avec là un double phénomène. D'une part, un besoin de main-d'œuvre non qualifiée pour assurer les travaux d'abattage du charbon lié à ce problème récurrent de pénurie de main-d'œuvre locale, mais qui va changer de nature véritablement à partir de 1960 et la mise en place du premier plan de récession charbonnière, qui est le plan dit Jeannonet, du ministre de l'Industrie de l'époque. Donc ce premier plan de récession charbonnière qui va donner comme objectif de fermer progressivement les puits considérés comme les moins rentables. Donc là, des dispositifs de départ progressif de la main-d'œuvre française avec le statut vont être mis en œuvre et vont avoir comme pendant ce recrutement massif de travailleurs marocains, de façon à assurer un afflux continu de main-d'œuvre jeune, susceptible de remplacer ces travailleurs français qu'il s'agit plutôt de faire partir, sortir du fond, mettre sur des emplois moins pénibles. Si vous voulez avoir une main-d'œuvre souple, alors qu'une partie de votre main-d'œuvre obéit à des statuts très rigides, soit vous abolissez le statut, mais c'est politiquement et socialement inenvisageable dans la France des années 60, soit vous recrutez à côté une main-d'œuvre qui sera embauchée dans des conditions bien plus précaires. D'où les Marocains, là aussi c'est une politique instituée à l'échelle des charbonnages de France, qui envoie des recruteurs dans les villages marocains, qui discutent directement avec le gouvernement marocain pour recruter là pour le coup essentiellement des jeunes paysans marocains et pour qu'ils puissent venir travailler sur des contrats temporaires de 18 ou 24 mois, avec le gros avantage que ces mineurs marocains, enfin le gros avantage pour l'entreprise, bien sûr, c'est qu'ils ne sont pas sous statut, donc on peut reconduire leur contrat en cas de besoin, si la production continue à le nécessiter, et on peut l'arrêter si la production ne le nécessite plus. Au fond, ces mineurs marocains ont permis d'absorber les derniers à-coups de la protection minière et en quelque sorte, bien malgré eux, protéger la main-d'œuvre à statut. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les Marocains, ces à-coups pouvaient très bien être gérés. Mais ça veut dire qu'encore une fois, il fallait abolir le verrou du statut. Et ça, aucun gouvernement français, surtout après la grève des mineurs de 63, mais même avant, n'aurait pris ce risque. Mora est venu à l'étable d'El Kela. Il a choisi les béliers et laissé les brebis. Mora est venu au bureau de M. Semrir. Il a pris les plus précieux et nous a laissé les plus insignifiants. Poème chanté secrètement par les femmes de la tribu berbère Aïtata, au sud-est du Maroc. Mora n'a sélectionné que des bourgeons. Il ne reste que l'imam et les plus faibles. Les plus beaux sont partis. Les moches nous rendent la vie difficile. Immédiatement après que l'intéressé ait été déclaré par la mission apte, il subit, et ce aux frais des houillères, une visite médicale à Marrakech, dans l'hôpital provincial. Archivina, janvier 1979. Ce sont des médecins marocains. Ce sont des médecins marocains. Partant de là, les candidats retenus médicalement repartiront dans leur bled sans avoir pour autant engagé de frais. Et dès que nous aurons le résultat de la visite médicale de ces médecins, nous informerons les autorités marocaines de leur établir leur passeport. Et seulement à partir de ce moment-là, ils subiront la visite médicale à Casablanca dans le cadre de l'Office national d'immigration. Et ensuite, ils arriveront à l'île Léquin. Ensuite, ils arriveront à l'île Léquin et au niveau des Houillères, ils subiront une troisième visite médicale, et ceci dans le cadre de la médecine du travail, où un dossier sera établi. Il y a un monsieur qui s'appelle Moura, qui venait à l'époque au Maroc pour chercher des gens, pour travailler à la mine. C'était... Abdoul. En 73. Il faut passer la visite plusieurs fois. On a passé à Marrakech. Après, on a passé deuxième à Casablanca. Il a un tempo rouge et un tempo vert. Si tu fais le tempo rouge, donc tu ne pars pas. Tu as quelque chose. Tu es malade ou... Quand tu mets un tempo vert, tu es OK pour partir. Et vous, ça a marché la deuxième fois? Oui, parce que la première fois, il m'a regardé, il a dit, mais t'es trop jeune. Après, la deuxième fois, 3 ans après, il est revenu. Et je dis, nous voilà. Et il m'a ramené. À l'époque, quand Félix Moura, le recruteur, recrute les gens au Maroc, il faut avoir 22 ans. Abdallah Samat. Et moi, j'ai passé l'examen, les yeux, la bouche, tout ce qu'on veut, pour remplir l'état civil. La personne qui inscrit les gens, il m'a dit, quel âge vous avez? J'ai dit 17 ans et demi, 18 à peu près. Il m'a dit, tu ne peux pas y aller en France. Il m'a dit, il faut avoir 22 ans. J'ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez rajouter. Non, bon, nous, là-bas, ça, on peut rajouter. C'est comme à la Pologne à l'époque. Bon, il m'a dit, est-ce que ton père possède les vœux familiales? J'ai dit non. Parce que la majorité au Maroc à l'époque, dans les années 50, 60, ils n'ont pas tous l'état civil, peut-être 30%, mais pas plus. Il m'a dit, ah bon, ben, on peut le faire. Et là, quelques les sur ses doigts, il m'a rajouté pour 22 ans. Et c'est de là que l'âge a été augmenté automatiquement. Le vieux s'est rasé la barbe. Moura est venu, mais ne l'a pas choisi. Combien d'hommes ont guetté le départ et Moura les avait déshabillés et délaissés. J'ai tant espéré être tamponné de vert, mais le rouge m'a paralysé. Félix Moura, il a un itinéraire qui est assez intéressant. Alors, c'est pas un fils de mineur. Rien ne le déterminait a priori à aller travailler pour les houlières. Il est un fils d'un employé d'un journal local du Nord. Il est né dans la commune de Croix, à côté de Lille. Il a un certificat professionnel de typographe. Et puis, à la toute fin de la guerre, il devance l'appel de 2 ans pour s'engager dans l'armée française, très peu de temps avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il est affecté aux troupes d'indigènes marocains. Et il est posté à Rabat. Et son travail comme sous-officier dans les troupes coloniales, c'est le recrutement de soldats marocains pour l'armée française. Il fait ce travail-là pendant 2-3 ans. Donc en fait, il reste au Maroc après la guerre. Voilà, et c'est en 48, alors que l'entreprise cherche à aller recruter des travailleurs au Maroc, qu'il a connaissance d'une offre d'emploi qui passe par le biais des autorités coloniales. Donc l'entreprise demande à la résidence générale de trouver quelqu'un pour recruter un premier contingent de mémoire 1000 ou 1200 travailleurs. Voilà, et c'est à l'issue de ce premier recrutement que quelques années plus tard, quand il s'agit pour la direction des houlières de mettre en place un programme pérenne, qu'ils vont trouver en Moura quelqu'un qui a les compétences, qui a montré son savoir-faire. Et c'est à ce moment-là que Moura revient dans le Nord-Pas-de-Calais. Il est embauché définitivement aux houlières au début des années 50 pour s'occuper spécifiquement du recrutement de la main-d'œuvre et de son contrôle dans ce qu'ils appellent les colonies marocaines dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire les cités, les baraques dans lesquelles les Marocains étaient logés. « Ô fille, mettez le voile du deuil. Moura nous a humiliés avant de partir. » Ô soleil, tu n'éclaires plus mon cœur. Mon amant est parti sans même me dire au revoir. Mon père travaillait à la fosse 4-5 Sud, à Méricourt sous Lens, là où j'ai grandi. Samira El Ayachi. Donc il est arrivé en 1974. Auteur du livre Le ventre des hommes. Avant ça, il me racontait qu'il essayait de travailler à droite à gauche, à Zagora, dans le sud du Maroc. Il prenait des postes, notamment dans la construction de barrages. Et puis un jour, il entend parler d'un recrutement en cours et que la France recrute des hommes pour aller travailler dans le charbon. Et donc il se dit, ben moi je vais y aller. Mais son père ne voulait pas. Donc il a tout fait en cachette. Il a dit qu'il allait vendre des dattes, qu'il avait pris un camion pour ça. Et en fait, il est ensuite allé à Marrakech. Il est allé jusque Casablanca. Il disait qu'il allait rendre visite à sa tante pour faire les différentes visites médicales. Et puis, il avait décidé qu'il voulait tenter sa chance. Donc, il a rencontré Félix Mora, il l'a regardé droit dans les yeux et il lui a serré la main. Vous savez, c'est serrer la main, non pas pour dire bonjour, mais pour savoir s'il a suffisamment de force dans la main, si c'est quelqu'un de vaillant. Mon père m'a raconté, et c'est toujours un peu gênant parce qu'il y a un peu de pudeur entre lui et moi, donc ils me disent, bah, il m'a fait une visite médicale des... haut jusqu'en bas, partout, même au milieu. Ça m'a fait rire. Mais vous savez, pour lui, c'était aussi la jeunesse, hein, c'était un peu la folie. Ils avaient quoi ? Ils avaient 20 ans, 24 ans, quel âge tu as ? Bon, c'est pas vraiment quel âge ils ont, c'est quoi ton nom ? Voilà, il y a un petit côté bricole et débrouille et folie pour vivre sa propre vie rêvée. Et donc, il a embarqué avec d'autres dans un bateau, et c'était la première fois qu'il prenait le bateau. Pourquoi est-ce que Mora va dans le Sousse ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est l'endroit qu'il avait l'habitude de fréquenter quand il était à la résidence générale. Donc il y a un certain nombre de contacts, parmi les caïds locaux notamment, et puis aussi parmi des responsables politiques plus importants, notamment après l'indépendance du Maroc avec les gouverneurs. Bon. Donc ça, c'est une première raison, il y a ses habitudes, je dirais. La deuxième raison, c'est que Mora est très pris dans des formes de représentation qui sont issues de la gestion coloniale de ces personnes, qui, dans la doxa coloniale, divisent entre arabes d'un côté et berbères. Et plus spécifiquement, même les berbères du Sousse, qui, dans l'anthropologie coloniale, sont parés de vertu, de robustesse, d'obéissance, voire, dans certains travaux d'anthropologues du XIXe siècle, sont assimilés à la race blanche. C'est le mythe du Schleu à tête ronde, par exemple, qui est considéré, du point de vue de ses caractères phrénologiques et physiologiques, analogue à l'Auvergnat. Donc, comme s'il y avait une proximité raciale avec le bon paysan français. Bon. Tout cela rend ces travailleurs désirables, mais évidemment, ça suffit pas pour expliquer véritablement pourquoi est-ce que tout cela se fait sur la durée. Mais néanmoins, il y a quand même cette idée qu'en allant dans les campagnes marocaines, on va aller y trouver des jeunes hommes qui sont pas habitués au travail industriel, qui sont pas non plus en contact avec des organisations politiques ou des organisations syndicales, et qui donc vont faire l'affaire pour aller travailler 12 mois, 18 mois, puis ensuite repartir, puis éventuellement revenir, parce que c'était ça qui était leur destin. Là, il y a quelque chose d'assez classique, je pense, dans l'histoire des migrations, c'est-à-dire que généralement, les personnes qui quittent leur pays ne s'attendent pas à aller nécessairement s'installer sur place. Donc ce système de va-et-vient, il est aussi calé avec des rythmes qui sont ceux des récoltes, par exemple. Je pense que d'un certain point de vue, ce que Mora proposait n'était pas décalé par rapport aux attentes, sans doute, d'une partie de ces Marocains qui se voient comme les émissaires de leur famille pour aller gagner de l'argent en France et puis ensuite éventuellement revenir. Bon. En tout cas, dans les années 50, je pense que sous 50-60, ça se passe sans doute pas mal de cette façon. Évidemment, cette histoire-là, elle va changer beaucoup au fur et à mesure où ce programme de recrutement va durer et où surtout les travailleurs qui sont recrutés vont revenir, puis revenir, puis revenir, puis éventuellement s'installer. Moura, avec ses administratifs, ses assistances, était là et nous appelle par le numéro et le nom. D'abord le numéro qui est sur la photo, sur la patrie. Et une fois qu'il a mis tout le monde à côté, Il y a les autocars qui arrivent. Abdallah Samad. Ils nous disent, voilà, vous allez monter dans les autocars. On se trouve à Casablanca à 4h du matin. Donc on attend là-bas un petit peu, à côté de port. Et vers 7h30, on monte dans le bateau qui était destiné à aller vers Marseille. Et on arrive à Marseille. Il y a quelqu'un qui nous dit Moura Moura, se lever la main. On sait que c'est lui. On suit la personne. C'est pas Moura, hein. Mais c'est une personne qui, nous, une fois qu'ils nous disent Moura Moura, eh ben, ça y est, on sait que c'est lui. On le suit derrière. Ils nous disent, de le train d'ici jusqu'au bout, il va à Paris. Vous allez le monter, quelle qu'elle soit la place, la voiture, vous allez arriver à Paris. On monte. Alors, je ne vous dis pas que, un, on est fatigué, malade, mais on n'a pas mangé. Rien. Dans le train, on a été crevé, on est devenu comme vraiment blanc. On a passé toute la nuit dans le train. On se trouve vers midi, si je ne me trompe pas, à Paris. Il y a quelqu'un aussi qui dit Moura Moura. On le suit jusqu'à les autocars qui sont juste en face. On monte dans les autocars. Et là, après, ils nous ont quand même ramené une baguette, une bouteille de limonade et une plaquette de chocolat. Tous les trois, ils doivent partager la baguette, la bouteille de limonade et plaquette de chocolat. Enfin, on a mangé ça un petit peu. Les autocars, ils ont été destinés. Ceux qui vont aller au Pas-de-Calais, je crois que Fosse 23, Noël-sur-Lens, c'est là où ils vont être installés. Moi, je fais partie de l'autocar qui a été destiné à Montenon-Nostrovent, où on a été logé dans les braquements, et un autre autocar qui est parti à Valenciennes. Et là, au matin de bonheur, enfin, il commence à faire clair, je me souviens encore, ils nous ont donné une fourchette, un couteau, un verre, une assiette, et il y a un gars qui a ramené une gamelle avec nous dans la chambre où on va être logé. Alors, je ne vous dis pas que quand on est rentré dans les braquements, j'ai dit, c'est ça la France. Sale, noir, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de l'eau chaude. Bon, c'est tout. Mais ce qu'on a un peu derrière la tête, c'est qu'on a dit, ben, on est venu en France, je vais être déshonoré si je retourne comme ça. D'abord, il y en a qui ont même fait des petits crédits pour acheter l'habillement, pour préparer, pour laisser un petit peu à sa famille. Il n'y en a pas beaucoup qui sont mariés. La plupart, ils sont très jeunes. C'est entre 22 et 28 ans. Hein. Voilà. Mais venir jusqu'ici, retourner comme ça, ce n'est pas ça. On n'a pas d'abord les moyens. Deux, c'est la honte. Donc, il faut résister. C'est comme à la guerre. C'était un peu l'Amérique, en fait, d'arriver en France. C'est ce qu'on leur faisait croire. Samira El Ayachi, auteure du livre « Le ventre des hommes ». Et finalement, la chose qui m'a le plus marquée, c'est qu'on m'avait tout le temps fait croire, en fait, que, ou alors, et puis j'avais fini par le croire moi-même, que c'était des personnes illettrées, analphabètes, dociles, et qui étaient pauvres, en fait. En fait, ce ne sont pas des pauvres, ils étaient des paysans. Ils cultivaient les dattes dans le sud du Maroc. C'était des personnes qui avaient un amour de la terre, un savoir-faire de la terre. Et la raison pour laquelle ils ont dû partir, c'est parce qu'il y avait la sécheresse. J'ai vu des photos, ils étaient vraiment tout beaux. Hein. C'était des beaux garçons. Ils avaient toute la vie devant eux. Et ils venaient pour des contrats précaires. Ils étaient loin de se douter de l'intelligence qui était à l'œuvre en face pour, entre guillemets, les utiliser pendant une période de reconversion des autres nationalités. Ils n'avaient pas connaissance de ce fait-là. Quand j'ai embauché à la mine, le maître, celui-là qui nous montre le travail, il nous expliquait comment oxyder la mine. Il a dit qu'ils embauchaient 100 personnes pour avoir 20. Simou Ahmed. Toujours, il embauche 100 pour qu'il reste 20 personnes. Et il nous dit c'est un métier mineur, c'est un métier dur, c'est un métier dangereux. Celui qui n'est pas courageux, c'est comme à la guerre. Hein. Si tu n'arrives pas à faire la guerre, tu n'arrives pas à travailler, rester à la mine. Hein. Les cas sont quand même relativement fréquents de travailleurs qui sont recrutés, qui partent avant la fin de leur contrat. Alors, l'entreprise avait mis en place un certain nombre de dispositifs pour essayer d'empêcher ça, notamment le fait de garder, par exemple, les passeports de ces travailleurs, en bonne entente d'ailleurs avec le consulat du Maroc à Lille, qui était partie prenante de cette affaire. Antoine Perdoncin, sociologue et historien. Mais néanmoins, il y a des travailleurs qui s'en vont, bon, et qui vont trouver un meilleur emploi ailleurs, soit dans les houlières en Belgique, il y en a un certain nombre qui franchissent la frontière, soit en région parisienne, c'est les cas les plus fréquents que j'ai rencontrés. Au fur et à mesure des renouvellements, il y a une forme d'intégration qui se réalise néanmoins. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ces travailleurs, ils gagnent quand même en qualification. Qualification qui n'est jamais véritablement reconnue dans leur carrière, d'ailleurs. Puisqu'en fait, ce qu'on voit, c'est que, au fur et à mesure des renouvellements de contrat, ils stagnent au même niveau de qualification professionnelle dans la grille hiérarchique de l'entreprise. La progression est beaucoup plus faible, ce qui est l'une des preuves du traitement discriminatoire de ces travailleurs dans l'entreprise. Est-ce que vous savez, Mohamed, pourquoi ils sont allés chercher des Marocains pour venir travailler ici? Parce qu'il n'y a personne qui veut travailler à la mine. Parce qu'il y a danger. Il y a les maladies. Les gens savent déjà que c'est dangereux. Non, à 60, quand il n'y a personne qui savent, quand on est venu ici, on sait qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Mais jusqu'à qu'on a la retraite, qu'on sait qu'il y a des maladies. À l'époque, il n'y avait personne qui a dit qu'il y a des maladies. Vous dites ça avec le sourire, mais vous tremblez. Pourquoi vous tremblez ? Je tremble parce que je travaille avec des machines. Je travaille avec un marteau perforatrice et tout, et les machines. 30 ans de service, c'est pas facile. Des fois, quand le chapeau il rentre pas, il faut prendre le marteau-pique, il faut piquer. Vous êtes descendu à combien, vous ? Moi, je descends la première fois à 826, après 1036, après 1250. Comme ça. Et après, quand on prend le train, qu'on part à 7 kilomètres. Oui. C'est comme là, il y a de la lumière, il y a tout, il y a les lampes. C'est comme... Le canapé, non. Hein. Quand vous êtes arrivé en France, vous vous êtes dit que vous alliez passer toute votre vie ici? Non, on dit on va travailler un peu, et après on retourne, et après on a l'habitude, on ne veut plus partir. Les houillères savaient ce qu'ils faisaient, ils ne sont pas allés chercher des hommes des villes, à Rabat, à Casablanca, ils sont allés chercher des hommes qui travaillent la terre dans le sud du Maroc, qui avaient faim. Donc ces hommes, oui, ils arrivent, et puis il y en a qui partent. Mon père me raconte ceux qui n'ont pas pu rester, parce que c'est dur, l'exil, loin de la famille, le froid, l'hiver, certains partent, rentrent au pays. Il me raconte qu'il se moque d'eux. Bah oui, non, mais alors, il pleure en cachette comme une fille. Il pleure sa mère. Et ce qu'il va me raconter ensuite, tout doucement, c'est la dureté, l'éloignement, la solitude et le fait qu'ils se retrouvent entre Marocains, entre eux tout le temps. Dès qu'ils peuvent, ils repartent au pays, mais ils savent pas s'ils vont avoir un contrat encore quand ils vont revenir. Donc voilà, les houillères organisent aussi les vacances, les séjours... Mais c'est ça qui est terrible, c'est que si jamais vous avez, je ne sais pas moi, un doigt arraché, vous n'êtes plus apte, ou vous commencez à faire des histoires, plus de contrat, vous ne pouvez plus revenir. Le principe, c'est la durée du séjour sur le territoire est indexée à la durée du contrat de travail. Donc pour ces travailleurs marocains, c'est très exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils sont introduits pendant 12-18 mois, puis ensuite réacheminés au Maroc pour une durée de 3-4 mois. Pour quelles raisons, 3-4 mois ? Alors, sans doute pour plusieurs raisons. La première, c'est pour caler avec des rythmes sans doute locaux, le fait de pouvoir, sur ces 3-4 mois, participer à un certain nombre de travaux agricoles, etc. Une autre raison qui n'est jamais dite dans les archives officielles, mais il y a des historiens qui ont travaillé là-dessus, c'est que ça permet de se donner suffisamment de temps pour détecter des formes précoces de silicose. Puisque la silicose est une maladie qui a une caractéristique très particulière, qui est qu'elle se développe très lentement, mais elle est détectable relativement précocement. Donc au bout de ces 12 ou 18 mois, plus 3-4 mois, il y a une visite médicale avec une radio des poumons, et ceux qui, dont on peut voir aux radios des poumons qu'ils ont été infectés par la silicose, leurs contrats ne sont pas renouvelés. Donc c'est une façon pour l'entreprise d'externaliser les coûts sanitaires de l'exploitation de ces travailleurs. Ce qu'il a aussi, n'a rien de très exceptionnel. C'est en fait un grand classique, en réalité, de l'utilisation de la main-d'œuvre immigrée dans un régime capitaliste, qui est que les coûts de reproduction de la main-d'œuvre, à la fois élever les enfants, faire en sorte que ces enfants arrivent à l'âge où ils peuvent être utilisés comme des ouvriers, mais aussi les coûts différés de cette reproduction, c'est-à-dire notamment la gestion des travailleurs âgés, sont assez largement externalisés au pays d'origine. La plupart commencent à signer ce fameux contrat de 18 mois. 18 mois, c'est quoi? C'est qu'ils signent les 18 mois, ils travaillent, avant de partir, ils passent une visite médicale. Si encore en bonne santé, il ne fait pas de politique, il ne fait pas de syndicat et tout ça, il s'en va chez lui au Maroc. Au bout d'un mois et demi, deux mois, il reçoit un courrier. Ton permission est terminée, tu peux revenir, le travail il est là. Si le gars est malade, le médecin a constaté qu'il n'est plus bon pour les mines, il reçoit un courrier, ce n'est pas la peine que tu viens, on ne te prend plus, reste chez toi. Abdoul, quand vous êtes au Maroc, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous avez un travail pour quelques mois, que vous avez un travail pour plusieurs années, qu'est-ce qu'on vous explique? On est venu, il ne nous a rien dit, mais il nous a fait un contrat pour 18 mois. La première fois que vous allez à la mine, vous savez ce que vous allez y faire? Non. Tu passes de nouveau à un mois dans le quartier Lucol avant de descendre. Tu sais, tu ne fais pas descendre comme ça directement à la mine. Tu es obligé de passer sur le quartier Lucol un mois et après... directement au travail. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, alors, comme travail à la mine? Vous étiez où? Au fond? Oui, au fond, j'étais au fond. D'abord, au début, quand je suis venu au début, tout au début, j'ai dit, je reste pas ici, je reste petit, deux ou trois mois après. Et maintenant, ça fait 50 ans, je suis pas parti. Au début, c'était dur. On a descendu, nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la mine, on a descendu au fond de la mine. On est venu, il n'y a personne qui parle un mot de français. C'était vraiment dur. Hein. Je travaille sur trois postes ou quatre postes. Je travaille 8 ans en poste de nuit. On fait le même travail, on fait tout ça. Mais ce n'est pas le même droit, ce n'est pas le même avantage. Dans les années 75, 76, 77. Mais après, ça va aller. Qu'est-ce que vous faisiez justement le soir quand vous rentriez de la mine? Vous alliez dans ces grands baraquements là où vous dormiez? Dans le bloc, on habitait un mois à Farivilsvillers, après j'habitais 16 ans à Biren. Un appartement par 6 personnes. Deux de la chambre et une cousine et pendant 16 ans. Et vous, Mohamed, où est-ce que vous étiez logé? Moi, j'étais logé à Farivilsvillers à l'époque. Vous viviez dans quoi? Dans un bloc. Après, je suis logé à la chapelle et après, j'ai ramené ma femme et j'ai habité à la cité des Chênes. Et après, maintenant, j'habite à Merlobac. Toujours dans une maison de mineur? Non, dans une maison mineure. Avec un tirage à jardin, j'ai une maison individuelle. Et à côté, c'est d'autres maisons de mineurs? Oui, parce qu'ici, que des mineurs, il n'y a pas d'autres. Vous connaissez tous? Ah oui, je connais beaucoup, dans toutes, parce qu'à l'époque, on est 27 nationalités à la mine. Moi, ce que je trouve très marquant avec cette histoire dans les mines, c'est le degré d'encadrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est laissé au hasard, d'un certain point de vue. Le système du baraquement fait du lieu de vie un lieu de contrôle social très fort. Contrôle social qui s'étend à des dimensions un peu insoupçonnées même, hein, puisque dans des documents de l'entreprise, par exemple, je vois des réunions régulières au début des années 60 du cadre des services de gestion de la main-d'œuvre qui programment l'apport en vitamines, par exemple, pour ces travailleurs qui achètent des boîtes de sardines parce qu'il faut qu'ils mangent du poisson pour avoir les bonnes doses de telle ou telle vitamine ou oligo ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, il y a évidemment des formes de contrôle aussi sur les relations sociales. Par exemple, il était très malvenu et même interdit de faire venir des femmes dans les baraques. Donc ça, c'est le logement en baraque qui... je pense que c'est une caractéristique assez forte. Le paternalisme patronal minier s'applique de façon particulièrement vigoureuse et particulièrement forte pour ces catégories de travailleurs marocains. Alors, ils sont particulièrement surveillés, alors pour des éléments qui tiennent à des restes de racisme colonial. Marion Fontaine. Et alors, pour une raison, à mon avis, bien plus pesante et bien plus évidente. Historienne. Parce que le gouvernement marocain, qui n'est pas particulièrement libéral, tient absolument, c'est l'un des gouvernements qui tient le plus garder un œil sur ses ressortissants. Donc, ils sont surveillés par l'institution minière elle-même, mais ils sont aussi surveillés par le gouvernement marocain. Il ne faut pas oublier que tout ça se joue sur des migrants qui ne sont pas censés rester. Certains d'entre eux finiront par rester, mais au départ, ils ne sont pas censés rester. Donc s'ils doivent rentrer au Maroc, pour le gouvernement marocain, l'enjeu, c'est par exemple qu'ils ne s'affilient pas à un syndicat ou ne développent pas d'idées subversives. Donc en fait, le problème pour les Marocains, c'est qu'ils sont soumis à une double surveillance, et dont l'une est celle de leur pays d'origine. Mon père me raconte comment petit à petit, et ses copains, comment petit à petit ils prennent conscience de cette injustice. Le statut de mineur, c'est un statut créé après-guerre pour donner envie aux gens de venir retravailler dans le charbon. Donc toutes les nationalités ont droit au statut de mineur, sauf les Marocains. Les derniers arrivés. Les derniers arrivés. On fait venir à cette période-là, alors qu'on sait très bien que les mines de charbon vont fermer, des hommes, en ayant en tête que la mine s'est terminée, et on les prive de ce statut, qui est un peu une sorte de statut de fonctionnaire. Enfin, il me raconte cette histoire, et je l'attendais de sa bouche, de ses propres paroles, comment, partie de la Lorraine, des hommes viennent les voir, les visiter dans les baraquements, leur disant « nous, on a découvert que d'autres avaient un statut et pas vous, et pas nous, donc on a besoin aussi que vous fassiez la grève pour alerter, donc on va faire une grève, faites-le aussi. » Et tous les mineurs marocains obtiennent le statut de mineur en 1980, après avoir mené cette grève. Ça, c'est la première grève. Il y en aura une autre. Le 3-5 de Courrières fermera le 1er janvier 88, mais dans 10 jours, les travailleurs marocains devront choisir entre le retour au pays d'une part et un emploi de conversion d'autre part. JT France 3 Nord-Pas-de-Calais, 1987. La première solution signifie pour eux la perte totale des droits sociaux. Quant à la seconde, ils estiment ne pas avoir de véritable garantie d'emploi. Si la situation des mineurs marocains semble être l'étincelle de la grève déclenchée à Courrières depuis quelques jours, les mineurs CGT français s'y sont complètement solidarisés en remettant en cause à plus grande échelle l'ensemble du plan PACH. Combien de temps cette grève? Ça dure même un mois, même 2 mois, même 3 mois. Non, on s'en fout. Lettre adressée aux mineurs marocains du 3-5 de Courrières, Douai, le 25 septembre 1987. En 1987, ils reçoivent une lettre, monsieur, de la part des houillères. L'exploitation de votre siège, en disant s'arrêtera bon, ben voilà, cette le 31 fois, décembre 1987. Donc, à cette date, il faut rentrer au pays. Nous n'aurons plus d'emploi à vous proposer. Moi, j'ai 7 ans à cette période-là. Au même moment, l'État français, les houillères, en complicité aussi avec l'Amicale du Maroc et d'autres, usent de toutes leurs forces pour nous faire rentrer au pays. Votre situation personnelle vous donne le choix entre les deux possibilités suivantes. Retourner dans votre pays d'origine avec les aides matérielles et financières que l'entreprise accorde. Alors que moi j'ai grandi ici, je suis à l'école, tout se passe bien pour moi. Bénéficier de l'aide que l'entreprise peut vous apporter dans la recherche d'un emploi de conversion. Pour permettre au service du personnel de mieux vous aider lors de votre reclassement à la fermeture de votre siège, nous vous demandons de faire part de votre choix à la cellule d'orientation de votre siège avant le 15 octobre 1987. Et ça, c'est un peu flou à l'époque parce que je suis protégée par mon enfance, heureusement, donc je ne le vois pas, je ne vois pas ce qui se passe. Mais quand même, je vois bien qu'il y a quand même beaucoup de monde à la maison qui viennent du matin au soir. Mon père est agité, on ne comprend pas trop ce qui se passe. À défaut de réponse pour cette date, nous considérerons que vous faites votre affaire personnelle de votre propre reclassement et vous serez automatiquement mis en congé individuel d'adaptation professionnelle à une date qui vous sera précisée en fonction du calendrier de réduction d'activité de votre siège. Nous vous prions, monsieur, d'agréer. C'est cette lettre des Houillères qui a mis le feu aux poudres. Le 31 décembre prochain, la fosse 3 de Courrières fermera. Les mineurs ont le choix entre deux formules. La première, retourner au pays avec un capital qui varie selon les cas entre 136 et 270 000 francs. La seconde, un emploi de conversion avec la possibilité d'une formation. Donc, cette lettre, ça va être le début d'une lutte et d'une violence qui va durer quand même assez longtemps. Parce que vous avez quand même des cadres, des houillères qui vont prendre dans des bureaux des hommes qui savent ni lire ni écrire en disant « bah maintenant tu signes ici, hein, et puis c'est bien, tu vas avoir de l'argent, puis tu vas repartir avec ta famille, etc. » On va avoir des manœuvres, des manipulations pour tout faire pour qu'ils repartent avec, avec femmes et enfants, alors qu'ils ont déjà bien galéré pour faire amener leurs femmes et leurs enfants. C'est là que les mères ont eu un rôle important, les mères et les enfants, parce que les mères, elles ne voulaient pas repartir... au pays. Et les mères, elles ont dit aux hommes, bon, maintenant, vous allez vous battre, hein, d'accord, donc vous allez faire ce qu'il faut. Les femmes avaient pris l'habitude, avaient reconstruit une vie. Ça faisait, je sais pas moi, 7 ans, 8 ans, 10 ans, beaucoup plus pour certaines qui étaient là. Repartir encore, refaire le trajet à l'envers, mais pourquoi faire? L'injustice, c'est qu'ils n'ont pas cotisé assez pour partir en retraite, puisqu'ils sont arrivés jeunes. Donc ils ne peuvent pas partir en retraite. Aller travailler dans d'autres secteurs, alors que ben, certains ont le dos bousillé. La silicose, enfin, il y a des problèmes de santé. Donc, aller travailler sans qualification, certains copains de mon père l'ont fait, ils sont partis en région parisienne, donc ça veut dire encore une fois quitter leurs amis, etc., accepter des postes où ils n'ont jamais progressé. C'était pas le contrat de départ. Ils ont eu le statut de mineur, qu'est-ce qui se passe? Donc, encore une fois, c'était spécifiquement pour les mineurs marocains et pour leur famille, une pression monstre était faite pour qu'on reparte. Ces dispositifs de retour au pays, il y en a un certain nombre qui les prennent. Bon, donc ils ont une prime pour rentrer au pays. Il y a à la fois la prime de l'État. C'est lié aussi au rétablissement de la politique de retour au pays par le gouvernement socialiste à partir début des années 80. Bon, donc l'entreprise rajoute une prime en plus, qui est calculée en fonction du rachat des droits de charbon et de logement. Une sorte de prorata qui est fait. En gros, combien est-ce que ça aurait coûté de fournir le charbon gratuitement si la personne reste? Et ce montant est versé sous la forme d'une prime, s'ils acceptent de partir. Donc ça fait un petit pécule qui n'est pas complètement négligeable, mais avec l'obligation de rentrer. Et pour certains, de s'engager dans un processus de création d'entreprise au Maroc. Donc ça, c'est un dispositif qui est mis en place avec le gouvernement marocain. Et Mora va finir sa carrière en assurant le suivi de ça. Je me souviens tout à fait de cette scène. Quand on était enfant, mon père prenait la parole à la télévision française pour parler, comme il est. Mais sauf que personne n'avait su ce que mon père avait eu à dire ce jour-là. On était juste très contents de le voir passer à la télé. C'était un peu une sorte de fête à la maison. Mais on ne savait pas pourquoi il était passé à la télé. Et ensuite, j'ai cherché et M. Samet a commencé à m'expliquer une autre version de cette histoire-là. Et puis après, je suis allée à Le Ward et j'ai vu des comptes rendus de réunions, des photos de bureaux un peu saccagés. J'ai récupéré des articles de presse. Vers 14h30, tout le monde commence à arriver. Première qui commence à parler, c'est d'abord Félix Moura, consulat du Maroc, prend la parole pour appuyer ce qu'il a avancé Moura. C'est-à-dire les charbonnages, ils ont fini, ils ont dit, ah, écoute, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question ou se renseigner quelque chose? L'Aïaché, Dubo, quand il commence à lire le courrier, c'est comme si qu'il parle au nom de tout le monde. Quand cela demande, il a dit, arrête-toi. Tu es qui, toi, d'abord? Moi, je suis un mineur, Aïaché, parce que le gars, il maîtrise bien l'arabe. La plupart de nous, ils ne maîtrisent pas bien l'arabe. Et aussi, ils se débrouillent bien en français. Donc, elle dit, ici, c'est moi qui présente les Marocains. Tu n'as rien à dire, tu es un Marocain parmi des milliers. Assieds-toi, il n'a rien à dire. Il dit, écoutez, merci. Moi, pour ne vous pas déranger, je vais partir. Du moment qu'il a fait ça pour partir, tout le monde debout pour partir. Moura dit non. Attends, reste. Le patron, c'est Moura. Tout le monde s'assied, il a fini, et ils ont dit, bon, écoutez, ce que tu dis, ouais, on tient compte, mais le sujet, c'est que la mine va fermer, il faut quand même choisir le retour. Et c'est de là que le début octobre, on a enclenché la grève en 87 qui a gagné tout le bassin minier. Au départ, il y a eu quelques Algériens, quelques aussi camarades autochtones qui nous ont soutenus. Et les charbonnages disent, ça ne vous concerne pas. Pourquoi vous faites grève avec les Marocains? Après, ils ont dit aussi, deuxième jour, aux Algériens, ça ne vous concerne pas. Il faut travailler. Il n'y a que les Marocains qu'on voit expédier. Et on a résisté 2 mois. Là, c'est quelque chose de fort qui s'est passé parce qu'ils ont décidé de prendre en otage le siège de Douai. Ils ont fait venir la presse, des étudiants. Et là, ils ont décidé de ne pas se laisser faire et de manifester, de faire connaître cette injustice pour finalement tenter cette deuxième bataille. Hein. Donc, c'est une sacrée bataille. À 7h du matin, à peine les portes sont ouvertes pour ceux qui travaillent dans les bureaux et tout ça, ils commencent à rentrer. Nous, on a déjà une partie, une quinzaine de personnes, on a organisé ça, qui sont tout de suite poussés les gardes, ouvert les portes. Et après, il y a une centaine qui sont arrivés, ils sont déjà dans les parkings. On a calculé à la minute près. Ils sont arrivés, même pas une heure après, il y a 500 personnes à l'intérieur. Donc, on a gardé à l'intérieur 2 ingénieurs. Notre délégation, avec des camarades syndicats, on a négocié. On a obtenu gain de cause. Hein, ce n'est pas vraiment ce qu'on a voulu. Mais bon, il faut quand même s'en sortir parce que la grève aussi, elle commence à être difficile. Mais on a dit, bon, on va reprendre le travail. Et c'est là qu'une grosse partie peut bénéficier de conversion. Bien sûr, il leur a dit, vous pouvez créer l'entreprise, mais ce n'est pas Minor Tufo qui va créer l'entreprise. Il ne sait même pas parler, il ne sait même pas écrire. C'est de là qu'ils ont mis en place le fameux congé charbonnière. Et retraite anticipée. Les dispositifs de retraite anticipée étaient liés à l'application d'un double critère. Premièrement, un critère de durée minimale de service minier. Alors ça a varié, mais c'était généralement 20 ou 25 ans de service minier. Et un âge minimal pour avoir le droit de partir. Or, on est, on va dire, à partir du milieu des années 1980. Donc, il reste 3-4 puits en activité dans le Nord-Pas-de-Calais, et il est clair qu'il s'agit de terminer, de finir, d'arrêter. Il y a quand même un problème, c'est que il y a plusieurs milliers de travailleurs marocains qui sont là, qui se sont installés, qu'on peut plus renvoyer, sauf à mettre en place des expulsions comme pour les mineurs polonais dans les années 30, mais c'est plus tout à fait l'ambiance quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces mineurs marocains? Il y en a un certain nombre qui sont un peu trop jeunes. Mais ils sont trop jeunes aussi sous l'effet des conditions du recrutement, parce qu'en fait, pour être recruté par Mora, il ne fallait pas être trop vieux. Or, les conditions de l'état civil étaient assez largement déclaratives au Maroc, et donc, en fait, Mora ne vérifiait pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il aurait pu vérifier? La plupart du temps, il n'y avait pas forcément d'acte d'état civil avec une année de naissance. Ce qu'on voit d'ailleurs dans les dossiers, c'est que tous les mineurs marocains ou presque sont nés le 30 juin. Pas parce qu'ils sont tous nés le 30 juin, mais juste parce que Mora remplissait le 30 juin, c'est le milieu de l'année, c'était commode. Donc, moi, ce que j'ai trouvé dans des dossiers, c'est un courrier officiel de la part de la direction des houlières qui demande à certains travailleurs marocains, pour pouvoir rentrer dans des dispositifs de fin de carrière, de faire établir un certificat de naissance rectificatif auprès des autorités marocaines, de façon à pouvoir justifier de l'âge minimum leur permettant de bénéficier du dispositif. Alors, ça passe par un certificat médical d'un médecin qui dit oui, la personne a bien 45 ans, suite à examen médical, et l'établissement d'un acte de naissance rectificatif au Maroc, qui ensuite est versé au dossier et qui permet de les faire partir avec des dispositifs de retraite anticipée. Donc il y a ça, et puis le dernier truc qui est assez étonnant, c'est les mineurs marocains qui ont fini par obtenir un dispositif qui s'appelle le contrat charbonnier de fin de carrière, le CCFC, qui était un dispositif initialement réservé aux travailleurs au statut, qui permettait de rallonger fictivement la durée de la carrière. Donc le principe était le suivant, si vous manquez, mettons 3-4 ans à la fin de votre carrière et les puits ferment, vous étiez mis en congé charbonnier de fin de carrière, donc maintenu artificiellement aux effectifs, toujours payé sur le salaire, le dernier salaire, le temps d'attendre la mise à la retraite. Ces congés charbonniers de fin de carrière, la plupart des travailleurs marocains n'y ont pas eu le droit, sauf certains, pour lesquels les reconversions professionnelles ont échoué et qui se sont retrouvés au chômage dans des situations extrêmement compliquées et qui ont été réintégrés en congés charbonniers de fin de carrière de façon un peu étonnante pour pouvoir ensuite liquider des droits à la retraite quelques années plus tard. La gelée a rasé mes roses. Je vis dans la disette. Même Maura ne veut pas de moi. Je jure par Dieu que je suis prêt à suivre Maura, même s'il me met un harnais sur le dos et qu'il m'oblige à traverser des monts. Simon, comment ça s'est arrêté la mine pour vous ? C'est la mine qui a fermé en 2005. Vous êtes en bonne santé ? Ça va, mais il y a un peu de silicose, il y a un peu de l'amiante, mais c'est ça. Moi, je suis reconnu maintenant que je suis malade professionnel, il dit tout ça. C'est reconnu. Parce qu'on commence à fatiguer, tu ne peux pas monter dans l'escalier comme avant, tu peux pas. Il faut faire l'effort, il faut tout doucement, c'est pas comme avant. Hein. Eh oui. Si les gens ils réfléchissent bien dans la jeunesse, eh ben, il n'y a personne qui va travailler comme on a fait nous. Hein. Eh oui. Parce que tu travailles sans réfléchir, tu veux des sous et c'est tout. Tu dis voilà les chiffres, tu vas gagner ça et ça, ben, c'est bon. Tu ne réfléchis plus le reste. Même si c'était dangereux, c'était. C'est ça. C'est l'amour de ma bien-aimée et de mes parents qui m'ont poussé à traverser des monts pour rejoindre Maura. Avec Marion Fontaine, Xavier Vignat, Antoine Perdoncin, Samira El Ayachi, Simou Ahmed, Abdoul, Mohamed, Abdallah Samat. Lecture des textes Olivia Bruno, Mousou Eri et Olivier Martineau. Merci à Virginie Malolepsi, directrice des archives du Centre historique minier de Léouard, pour sa précieuse collaboration. Merci à Karine Sprimont et à toute l'équipe du Centre minier de Léouard. Merci à Lina et à Ingrid Anne-Lecointe pour les archives, à la documentation de Radio France, à Annie Signoret de la Bibliothèque centrale de Radio France. Prise de son Frédéric Kérou et Raymond Albouy. Enregistrement Nicolas Depagraf, mixage Manon Houssin, stagiaire Clara Caverchine, attachée de production Marie-Vonne Aboulivier et Anaïs Morales, coordination Perrine Kervran. C'était L'immigration, une mine pour le charbon, un documentaire de Johanna Bedeau réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Ni po ifatetu ifatetu yeah.